Théo Dorsey, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. 89.1. CKRL. Québec. Bienvenue à Webmusique, vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, une émission, je ne sais pas trop comment décrire ça, une espèce de cérémonie, une messe, musique vraiment étrange toute la soirée pour l'heure suivante. Donc on va débuter tout de suite avec vraiment une pièce excellente de Parésia Sound System, la pièce s'intitule « Curious ». C'est publié sur le Colibri Nécrophile, une étiquette vraiment pétée. Ensuite de ça, c'est projet BASF, un projet canadien. Ça aussi, vraiment intéressant. Je vous fais entendre la pièce, puis je vous en parle tout de suite après. Donc, on débute avec Parésia Sound System. On the floor,

C'était le projet BASF à Web Music, donc la pièce ACTF 1634. Projet BASF, une espèce de groupe mystérieux, un groupe canadien, qui vont sortir un album sous forme de coffret au mois d'avril. Mais c'est un coffret pour faire une cérémonie satanique, donc c'est un coffret en bois, il y a toutes sortes d'ingrédients à l'intérieur pour faire des incantations. Donc ça va être à suivre, un album vraiment différent. Il y a aussi également les vidéos qui sont disponibles. Ils ont un compte donc YouTube. Rendez-vous sur la page de Web Music au www.webmusic.ca. Donc vous allez pouvoir télécharger l'album. Pas l'album, mais seulement cette pièce-là, et voir vidéo également. Donc, on va poursuivre avec donc un artiste publié sur iMachine Records, c'est Drowns Fry Brain. Sa pièce s'intitule Live Like a God. C'est un artiste qui nous vient de Houston au Texas, donc assez intéressant comme pièce. Ensuite de ça, c'est Anawan Rock avec Gong Huan Chen. I understand my wife is becoming involved with you. Your wife has the kind of class that we need. What exactly is the nature of my wife's involvement in this club? I want to turn this into a class place. And it's appropriate these days for the CEO. To live like a god. Sure of anything anymore. To live like a god, yeah. I do not like my wife's involvement with you. And it's steamy. God. I've got a secret. Secret? Secret? Secret? C'était donc Anawan Rock à l'antenne de CKRL 89,1. C'est l'émission Web Music. Donc, avant cette pièce-là, c'était Drowned Fry Brain avec leur pièce Live Like a God, un groupe qui nous vient de Houston au Texas. On poursuit avec un trio de femmes vraiment intéressantes qui donnent plus dans l'art audio. C'est Roman Ramon. Je vous fais entendre la pièce Norberto Conrado. C'est publié sur l'étiquette Panirosas Discos, donc une étiquette qui nous vient de Chicago. Ensuite de ça, ça va être donc un duo sur Mutant Swing. C'est Kurt Lasers avec la pièce Varfar Ar. Karleken Rod, excusez-moi, c'est en suédois, donc on va entendre tout de suite Roman Ramon. Thank you. La tercera, un dret a referèndum a les decisions socioeconòmiques més importants. La quarta, pressupostos participatius. I la cinquena, separació estricta de poder. We'll be right back.

check it out. Blast your radio. Forever. What you want me to do? Shut up! Yo, give me something to dance to. Jump around, jump around. Get somebody head up, get so loud. Get the dumb shit on up, up on the mound. Get the dumb shit off, up on the mound. Jump around, jump around. Always red shit that always make your ass jump around. Only out the floor, while we keep shit jump tight. Around. Hit you with that bad shit that beats you to die. Well, no. Make it pretty strong, while we keep rocking jump on. Around. I'm both the biggest and love. Watch them as I'm one of them. Wrong one is up to a certain class. Hope they get this one wrong one in chat. I know fun, no realize that I'm super my yard. Rockin' like this, I think I'm rockin' like that. Hope they do rockin' like this, I think I'm rockin' like that. Hope they do rockin' like this, I think I'm rockin' like that. Un petit chef-d'œuvre de musique brutale, c'était Mytho Clash avec la pièce de Death Cycle Won't Stop. C'était publié sur l'étiquette Mutant Swing. C'était sur l'excellent album Classic Sounds of the New Post Avant-Garde. Vraiment pété comme album, aussi fêlé que la pièce que vous venez d'entendre. On va enchaîner avec un artiste de New York, c'est Dao Ta. Je vous fais entendre sa pièce Sue. C'est publié sur l'étiquette française Sirona Records. Ensuite de ça, c'est Spinal Frog avec sa pièce Moscow. C'est tiré donc une compilation. Ça va être toutes des pièces qui font 2 minutes 42 parce qu'il paraîtrait que supposément c'est la durée donc idéale pour un hit. Donc je vous fais entendre la pièce Moscow. Vous allez voir, assez surprenant. Donc on écoute tout de suite Dao Ta avec la pièce Sou. We'll be right back. Donc, c'était Spinal Frog avec sa pièce Moscow. Ça va être publié sur un prochain album qui s'intitule 2 minutes 42 seconds, qui serait le format idéal pour faire une pièce pop. Avant ça, c'était Doctor avec la pièce Sue. C'était publié ça sur l'étiquette française Sirona Records. On poursuit avec Jabberwocky, la pièce. Vous allez voir Jolene vraiment interprétée d'une façon vraiment étrange. On écoute Jabberwocky. Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about too many sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you care. You can have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you, and whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Donc, une réinterprétation de Jolene à Way Music, ça va déjà être tout pour nous. C'était donc Jabberwocky qui nous faisait sa pièce Jolene. On va se quitter sur une dernière pièce, donc c'est la Croche-Oreille qui vient tout de suite après avec Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, donc restez à l'écoute. On va se quitter sur une pièce de Redrum, sa pièce s'intitule Soul Sacrifice. Vraiment étrange, c'est toutes des pièces, un remix de pièces qui ont été produites donc en 1969. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pièces, vous essayerez de les deviner. Donc, c'est ça, ça va être tout pour Web Music. Je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission, c'est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir consulter la playlist, télécharger gratuitement donc toutes les pièces entendues à l'émission. C'est gratuit pour vous, donc essayez. Vous allez pouvoir découvrir plein de net labels et d'artistes vraiment intéressants qui diffusent leur musique gratuitement. Donc, on écoute Redrum, puis on se donne rendez-vous dimanche prochain à compter de 21h pour notre émission de Web Music. Doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. What it means is that the people who are backing this thing, who put up the money for it, are going to take a bit of a bath. A big bath. That's no hiding, that's truth. They're going to get hurt. But what it means is that these people have it in their heads that your welfare is a hell of a lot more important than the music is, than a dollar. We'll be right back.